Les Landes, comme on a souvent été depuis des années, puisque c'est important quand même de souligner que cette lutte, c'est l'une des luttes en France qui a beaucoup d'expériences à partager et en tous les cas a mis en œuvre plein d'expériences et continue malgré toutes les difficultés de terrain que sans doute vous connaissez. Donc on aura un petit point téléphonique puisque c'est difficile d'être sur place régulièrement, donc on aura un copain qui nous fera un petit point sur ce qu'est Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui, en sachant que comme toujours, il y a plein d'expériences différentes, des conflits aussi, mais parfois des moments de grande construction ensemble. Et puis donc aujourd'hui, on sait que puisque le projet d'aéroport en tant que tel a été abandonné, il reste la question des terres, ce qu'il en reste. Enfin, ce qui va en rester de cette expérience et de cette lutte. Donc, on fera un petit point. Et surtout aussi, le fait que cette lutte, ça a été l'occasion de rencontres et d'initiatives, comme notamment au mois d'août, la semaine de rencontres intergalactiques. Donc, pour ceux qui connaissent les apatistes, ils feront tout de suite le lien avec ce terme utilisé déjà depuis 1996 par les apatistes eux-mêmes, qui appelait à une rencontre internationale, mais intergalactique. C'est aussi pour raconter qu'on peut peut-être faire autre chose que toutes ces grandes instances internationales qu'on connaît, qui participent d'un système contre lequel on essaye de se défendre et de se débattre. Et on aura donc une copine du comité qui était là-bas cette semaine de rencontre à Notre-Dame. Donc elle nous partagera son expérience, qu'elle a vécue, ce qu'elle a retenu. On fera aussi un petit saut à Tenco, une lutte contre un aéroport qui était très souvent en relation avec Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu des échanges, de l'aide, de courriers, des rencontres sur le terrain, puisque il y a eu au printemps, il y a eu la présence de personnes d'Atenco sur les terres de Notre-Dame et des gens de Notre-Dame sur Atenco. Donc des vrais échanges. Et aujourd'hui, il y a un appel justement à soutenir ce Front pour les défenses de la terre à Atenco, le FPDT qui lance un appel à une journée de solidarité internationale le jeudi 25 octobre. Donc voilà, on parlera de ça, on vous fera signe un petit peu, on vous rappellera. Et on parlera ensuite d'un projet Togo-Mexique d'échange, puisque là aussi, c'est ça qui nous intéresse. Tous ces ponts qui peuvent se faire entre les gens, les compañeros. Et donc, on en a parlé le mois dernier, vite fait, au téléphone, mais on en reparlera plus longuement pour raconter ce beau projet, ce que ça raconte. Et puis, voilà, on vous appellera aussi peut-être à nous soutenir si vous avez les moyens de nous soutenir par un moyen ou par un autre. Et donc, on va faire une petite pause musicale avant de prendre notre copain au téléphone. Musique. Des gens qui, dans d'autres régions, qui se disent pourquoi ils veulent pas d'aéroport, parce qu'il y en a déjà. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet qui date de 1967. C'est un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Comme ça, qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire les cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors, il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries. Plusieurs milliards. Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies. Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies. Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potagers, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clown, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens. Est démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport. Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour. Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD. FPP, la jungle des luttes. Salut, je crois qu'on est en ligne avec notre copain de la ZAD. Salut. Allô, bonsoir. Comment ça va ? Ça va, et vous-même ? Eh bien, écoute, ça va bien, content d'avoir des nouvelles de ce qui se passe par chez toi, par chez vous. Et donc, ben, du coup, comme je le disais au début d'émission, peut-être tu pouvais nous faire un petit retour sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Comme je le disais aussi, ben, voilà, c'est un bout d'expérience parce que tu ne peux pas parler pour tout le monde, comme on le sait. Mais donc, je te laisse la parole pour nous dire un peu là où vous en êtes au jour d'aujourd'hui. D'accord. Ben alors, aujourd'hui, je suis de sortie là, parce qu'il y avait des copines et des copains qui passaient au tribunal à Nantes pour avoir été chopés pendant les expulsions au printemps dernier. Il y a eu trois relax, un copain qui a pris 4 mois avec sursis et puis un autre copain qui a pris 600 euros d'amende. Donc plutôt, ça pourrait être pire. Mais, voilà. Et puis sinon sur la zone, c'est assez tranquille on va dire en ce moment. Enfin tranquille, il n'y a plus grand monde. Il y a quand même les flics qui patrouillent quasi quotidiennement. Du coup, il faut essayer de passer entre les gouttes. Mais voilà, c'est un peu une ambiance, c'est un peu la déprime quand même, on peut le dire. Bon, après, il a quand même fait beau tout l'été. On a quand même apprécié la tranquillité après la tempête, quoi. Mais c'est vrai que c'est plus la même ambiance, il y a beaucoup de gens qui sont partis, parce que voilà quoi, c'est vrai que l'espace de liberté qu'on avait conquis et cultivé, ben, c'est plus la même chose. Maintenant, on s'est fait rattraper par le système et ils essayent de nous faire rentrer dedans un peu de force. Donc il y a des gens qui veulent pas accepter ça et puis il y en a d'autres qui disent qu'on n'a pas trop le choix et que on veut essayer de garder le territoire et quitte à faire des concessions parce que ça peut servir, ça pourra servir sûrement dans les crises à venir. Je pense que malheureusement, comme au XXe siècle, il y a pas mal de crises qui se profilent à l'horizon. Enfin, il suffit d'écouter un peu les infos pour voir que ça va pas de mieux en mieux. Donc on se dit qu'il y a toujours des luttes à mener sur tous les fronts. Et que c'est toujours bien d'avoir une base où on puisse accueillir, se retrouver, s'organiser et en cas de crise s'occuper. Voilà, enfin bon, disons que ça c'est une vision stratégique. Il y a d'autres visions stratégiques qui disent qu'il faut rien lâcher, faut pas perdre notre dignité, il faut continuer à dire qu'il faut libérer les territoires et nous-mêmes. Après, voilà, concrètement, chacun le vit au quotidien. C'est difficile de s'extraire du monde capitaliste et du système. Voilà, ça c'est un peu des grandes généralités, mais c'est un peu ce qui nous traverse dans nos têtes en ce moment, et aussi dans nos relations avec des gens qui sont très critiqués pour jouer la négociation avec la préfecture, l'État, et puis de rentrer dans des projets agricoles, on va pas dire conventionnels, parce que on n'est pas, justement, si on veut garder ce territoire-là, c'est pour pas qu'il tombe dans les mains de la FNSEA, qui coupera les haies et puis agrandira les champs et foutra des pesticides et des engrais à gogo. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à préserver ce petit bout de bocage qu'on a réussi à arracher. Voilà, quoi d'autre? Je sais pas, vous avez des questions? Non, bah justement, quand tu disais il n'y a plus grand monde, en fait, ceux qui sont restés sur place, c'est ceux qui sont liés à des projets avec donc un dépôt de dossier, etc., sur la dizaine, quinzaine de projets qui avaient été déposés. C'est eux qui sont restés, ou il y a quand même des gens qui continuent à rester Bah disons que le fait d'avoir signé des fiches au début, puis certaines qui se sont transformées en COP et d'autres pas encore, ça fait que ça a protégé des lieux et des cabanes quand même. Du coup, là, il y a des cabanes qui n'ont pas été détruites. Il y a des lieux qui sont un peu entre deux eaux, quoi, qui sont un peu en conflit de territoire. Et du coup, là, il y avait un COP. T'arrives à te mettre peut-être dans un coin où il y a un peu moins de bruit de fond ou pas? Juste ouais, pour... Et... Je vais mettre du chiotte alors. S'il y a du signal. ça va résonner. Ça marche là? Eh ben écoute, ça va. du coup, bah voilà, il y avait un comité de pilotage qui regroupe un peu toutes les organisations officielles, etc. Sauf la ZAD dont la préfecture, la FNSEA, la Chambre d'agriculture, plutôt de notre côté, la Confédération paysanne, et puis il y a des assos qui se sont montés pour récupérer les terres de la ZAD au profit d'agriculteurs qui veulent s'agrandir ou qui veulent nous virer. Donc il y a un peu tous ces conflits-là qui sont en train d'être... négocier plus ou moins, et du coup voilà, la préfecture essaye de répartir un peu les terres pour éviter qu'il y ait des gros conflits sur le terrain. C'est pas très fun de se retrouver là-dedans, et puis de toute façon nous on n'est pas invités, on est restés dehors, on était 300 à pique-niquer, et puis il y avait 50 tracteurs qui bloquaient les avenues devant la préfecture. Il y avait une bonne ambiance, mais bon, c'était loin des rassemblements à 50 000 personnes, comme dans le bon vieux temps. Et c'est vrai que l'on essaie de reconstruire un mouvement avec des gens qui veulent continuer à lutter pour, en espérant qu'on puisse retrouver un peu l'esprit de la ZAD qu'on a vécu, et puis continuer à s'organiser, quoi. Collectivement, c'est un peu l'objectif, quoi. C'est pas juste de reprendre des terres et puis, de se mettre au boulot comme tout le monde. C'est aussi d'essayer de trouver d'autres modes de vie, de fonctionnement, comme on avait déjà mis en place, et d'essayer d'aller plus loin, en fait, d'arriver à collectiviser plus de choses. Et voilà, bon, c'est un peu les objectifs. Après, on se dit que maintenant, on est rentré dans un processus où ça se trouve petit à petit, l'État va nous grignoter. Va essayer de nous user, va essayer de faire en sorte qu'on ait de moins en moins de soutien, qu'on ne puisse pas vraiment se défendre en cas d'expulsion. Donc on essaye un peu de reconstruire la force qu'on avait et de voir au fur et à mesure où ça nous mène, quoi. On sait qu'ils peuvent tout à fait nous mener en bateau et voilà, quoi, c'est un peu difficile d'avoir de la visibilité dans ce qui va nous arriver, quoi. Sachant que en plus, y a la préfète qui prend sa retraite et il va y avoir un autre préfet, donc on ne sait pas sur qui on va tomber, etc., etc. Donc ça, c'est un peu les côtés, l'éternelle incertitude de vivre sur la ZAD. Mais vous avez des échéances, là, du coup, concrètes Là, il y avait un gros rassemblement fin septembre, enfin gros rassemblement, je pense qu'on va être à peu près 2000 à 3000 sur le week-end. Là, le lundi dernier, on avait, fin cette semaine, on avait un rassemblement devant la préfecture. On n'a pas vraiment préparé d'autres trucs, mais c'est vrai que chacun, enfin, il y en a qui travaillent à rendre leur projet agricole réaliste, quoi. Enfin, essayer de faire en sorte qu'ils puissent lancer ça et que ça tourne. Et puis il y a aussi d'autres luttes à mener. Par exemple, il y a des gens qui luttent contre la mise en service de l'EPR, les nouveaux réacteurs nucléaires super dangereux à Flamanville, qui sont complètement défectueux, etc. Donc si vous allez sur le site de la ZAD, on a co-signé un appel avec un groupe qui lutte contre l'EPR pour dire que, en fait, là, l'autorité de sécurité, de soi-disant sûreté nucléaire, a signé la mise en service de l'EPR, des cuves de l'EPR, sachant qu'elles ont des gros défauts de fabrication et que c'est toute une arnaque financière, etc. Donc, en gros, si vous allez sur le site de la ZAD, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui luttent là-dessus. Il y a aussi la lutte d'Atenco, avec qui on est en lien. Donc c'est un gigantesque projet d'aéroport dans la vallée de Mexico et c'est une lutte avec laquelle on a beaucoup de liens et on est en relation depuis près de 10 ans peut-être 8 ans et du coup le projet est lancé chez eux le nouveau président avait promis d'arrêter le projet. Finalement, il a décidé de faire une soi-disant consultation nationale pour décider s'il fallait continuer le projet ou l'arrêter. On sait que ça peut donner un peu les élections au Mexique. Donc là, c'est un peu la dernière ligne droite de cette lutte. Et du coup, on appelle tous les gens à soutenir les personnes à Atenco et à dire dans leur réseau qu'il faut stopper ce projet. Qui a encore une catastrophe climatique et une aberration financière, etc. quoi. Donc voilà, normalement, il y a une vidéo de soutien de la ZAD qui va sortir ce soir pour leur campagne à Atenco. Après, voilà, on est sur pas mal d'autres fronts, il y a plein de luttes partout. Par exemple, là, ce week-end, il y avait une lutte au Pays Basque contre un centre d'attraction en haut d'une montagne, la Rune, et ils faisaient une occupation de la montagne. Ce week-end, dimanche, là, il y avait un rassemblement contre toutes les armes nucléaires à l'île Longue, dans la rade de Brest. Donc, en fait, il y a pas mal de choses qui se passent et sur lesquelles on essaie de suivre, sur lesquelles on essaie de participer comme on peut. Quoi. Et puis c'est vrai que cet été on a fait plusieurs rassemblements, dont le rassemblement de Mazada, où c'était une semaine où on parlait d'autres luttes dans le monde. Et ça faisait du bien qu'il y ait pas mal de gens qui reviennent pour nous aider à finir l'Ambazada. Bon, elle est presque finie. Hein. Il y a encore les fenêtres à poser pour l'hiver. Et puis venir nous parler de eux, ce qu'ils vivaient ailleurs, quoi. Donc en fait, ça fait du bien de se réconforter de voir que partout tout le monde se fait réprimer, quoi, et que faut continuer à faire du lien, du réseau, et que la vie elle trouve là, quoi, entre les gens qui essayent de partout lutter, de se rencontrer, et voilà. Et du coup, c'est aussi un appel à tout le monde de dire en fait notre liberté elle est à prendre partout, et là c'est le moment de s'y mettre, quoi. En profiter, il n'y a plus de ministre de l'Intérieur, je sais pas. C'est un peu dans la merde, du coup, c'est le moment de faire des manifs, quoi. Profiter du vide, du flou. Ouais. Bon, en tout cas, là, l'actualité, c'est que il devrait y avoir un petit film assez marrant, enfin je sais pas, faudra voir, qui va sortir bientôt en soutien à Taiko. Fais-nous le passer, comme ça, du coup, on pourra essayer de réussir tenter de le diffuser, nous aussi, de notre côté. On verra bien pour le mettre sur le site du CFPCL. Bah ouais, avec plaisir. Et donc justement, vous, à l'ambassade, qu'est-ce que vous étiez... Peut-être que tu peux redire ce que c'est l'ambassade dans tout ce que... À l'ASAD, là, pour ceux qui ne connaissent pas, au cas où, est-ce que vous avez, vous, retiré, pensé là, de ce que vous avez organisé? Parce que je trouvais ça chouette de pouvoir organiser ça alors que vous étiez dans une situation un peu difficile de conflit interne, en sachant pas quel était votre demain, devenir, ce qu'allait en ressortir. Et donc, je trouvais que c'était très fort de pouvoir justement maintenir cette idée qu'il faut quand même continuer, et par tous les biais possibles, de se rencontrer dans donc l'ambassade, qui est un projet d'un lieu un peu particulier, du coup, dans ce qui était une volonté de départ. Du coup, le projet de l'ambassade, c'était de faire une cabane intergalactique pour justement faire la ZAD sur d'autres luttes dans le monde et se mettre en lien avec d'autres... personnes qui viennent nous présenter ce qu'ils font ailleurs et faire du réseau comme ça. Donc l'idée c'était de faire un lieu dédié à ça et ça a été pas mal porté par le Pays Basque qui cherchait un projet de cabane à faire sur la ZAD et voilà, on s'est dit que c'était bien de pouvoir visibiliser bah, les peuples opprimés où qu'ils soient, et que, donc depuis 2 ans, ils viennent nous filer les coups de main pour construire ce bâtiment qui est une ossature en bois de la ZAD, qui a été sciée sur la ZAD, de la paille qui a été fauchée sur la ZAD, enfin, les balais de paille, du chanvre qui a été cultivé juste à côté de la ZAD par des poètes, et puis voilà, sinon, pas mal de récup, et on fait un bâtiment collectivement où tout le monde apprenne à bosser ensemble et puis apprenne à un partage d'apprentissage. Quoi. Donc voilà, là cet été, on a fait un chantier tout le mois d'août pour on a quasiment terminé les enduits, la mezzanine, on a piano à queue, et tout. Enfin, voilà, on a eu des cadeaux, on a bien avancé, on a eu pas mal de belles énergies. Et du coup, le mois d'août, là, ça se terminait par une semaine intergalactique où on a proposé à pas mal de clubs de venir dire où ils en étaient, puis de venir souffler un peu ensemble et puis se redonner de l'énergie. Quoi. Donc, voilà, il y a plein de gens avec plein d'énergie qui sont venus. C'était un bon moment. Quoi. Ça, effectivement, ça nous a un peu redonné du c'est une du beau moqueur. De retrouver tous les potes comme ça, d'autres circonstances que des affrontements. Bon, bah super. Merci à toi de nous avoir rappelés. Et justement, on va continuer à parler de cette semaine avec notre copine qui était sur place et qui va nous raconter dans les petits détails ce qu'elle a rencontré là-bas. Et ben, on se tient au courant très vite, on attend ta petite vidéo et qu'on fera circuler, et on va refaire un mot sur Atenco au cours de l'émission pour inviter les gens à se mobiliser. Et des bisous à tout le monde et une bonne soirée, à la prochaine. Ouais, à très bientôt, merci, bis. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Ouais, à fond, ouais, vraiment. À tout bientôt, merci, salut. 106.3 FPP, on va faire une petite pause musicale et on revient avec la rencontre intergalactique. Comandante Pedro, R15 en la mano. 106.3, la jungle des luttes, programme proposé par le CSPCL tous les troisièmes lundis du mois en direct de 19h à 20h30. On était déjà parti au Chiapas, non hein. Bon, bah là, on revient quand même parce qu'on avait dit qu'on était sur la semaine intergalactique. Et donc, du coup, à Notre-Dame-des-Landes, cette rencontre, cette semaine, proposition de rencontre avec tous les peuples, tous les peuples en lutte, différents collectifs. Et donc, il y a une copine qui est là pour nous raconter ce qu'elle a vu là-bas. Donc, l'Ambassada, ce lieu un peu particulier, donc justement sur la ZAD, qui n'est pas un lieu de vie véritablement, mais plutôt un lieu de rencontre. Et donc, nous, on est contents de t'avoir avec nous pour nous raconter. On n'était pas sur place. Et merci à toi d'être là. Et on te laisse la parole pour nous dire un peu tout ce que tu as vu là-bas, ce qui t'a impressionné plus et ce que tu as vu. Et salut à tout le monde. Je pense que la première chose qu'on peut dire, c'est revenir sur cette ambassada concrètement. Ce que c'est, parce qu'on dit comme ça une cabane, et puis cabane, ça veut tout dire, quoi. Des fois, ça fait 4 mètres carrés, des fois, ça fait la taille d'un hangar. Bon, là, c'est gigantesque, quand même, ce qu'ils ont réussi à faire. C'est un énorme bâtiment en bois, en les murs en torchis. C'est ultra beau, les couleurs sont belles. Quand on s'assoit là, déjà, on reprend confiance, quoi. C'est une des choses qui émergent à la ZAD, quand tout à coup, ils se mettent tous ensemble et il y a quelque chose... Voilà, tous ensemble, on arrive à le faire. Et donc, je pense, voilà, on peut commencer par dire ça. C'est vraiment un lieu collectif où peuvent s'asseoir, 60, 80 personnes. Il a mentionné comme ça, entre deux bruits de porte, il y aurait un piano à queue. Non, mais c'est vrai, il y a vraiment un piano à queue sur une mezzanine. Et je crois que, voilà, des choses comme ça, il faut le ressouligner parce que le lieu en lui-même, il porte tout le travail des gens qui étaient là tout ce mois d'août, mais avant aussi. Et il redonne toute cette énergie quand on arrive et qu'on organise des événements dedans, quoi. Et donc là, du coup, concrètement, il y a eu plusieurs jours, plusieurs rencontres. Donc effectivement, tout s'est passé dans cette ambassade-là, où il y avait aussi d'autres lieux, d'autres débats, d'autres lieux de discussion. Alors c'était dans et autour de l'ambassade. Donc l'ambassade, c'est ce grand bâtiment. Et effectivement, il y avait plusieurs chapiteaux Barnum montés à côté. Déjà, parce que des fois, il y avait deux débats en même temps ou quoi, ou parce qu'il y avait besoin de préparer un bâtiment pendant qu'un autre. Enfin, c'était plus pratique comme ça. Mais donc, ouais, c'était l'ambassada et puis autour des choses montées aussi un peu plus temporaires. Et là-dedans, il y a eu effectivement une semaine de présentation, discussion, partage, des fois un peu sous forme de spectacle aussi le soir, qui ont retracé, un peu comme disait le copain, effectivement, l'histoire des luttes qui se partagent, pas seulement au présent en fait. C'est-à-dire, les 4 premiers jours, il y avait pas mal de gens qui venaient présenter une lutte d'ailleurs. Alors d'ailleurs, c'est le Mexique, on va revenir dessus tout à l'heure, mais c'est aussi une fille qui parlait du Kurdistan, c'est des gens de différents endroits. Et c'est aussi du passé, en fait. Et alors, les présentations sur les luttes du passé, pour moi, en tout cas, étaient top. C'est-à-dire, ça nous remettait dans ce que c'était que... Le Wendland dans les années 80 en Allemagne, que peut-être on a oublié aujourd'hui. Ça nous remettait dans ce que c'était que les années 90 en Angleterre, dans le milieu anticapitaliste, avec les manifs festives, les sabotages et tout. Et des trucs qui ne sont pas forcément transmis comme ça au quotidien, en tout cas moi, que je n'avais pas ressenti, qui ne m'avait pas été transmise de cette manière-là, et qui redonne aussi la force, quoi. On se dit, ok, c'était quoi leur contexte, qu'est-ce qui a bougé depuis, mais qu'est-ce qu'on peut quand même reprendre. Et oui, ça, d'autant que ce n'est pas des histoires qui sont dans la grande histoire, donc si on ne va pas, nous, la transmettre, on n'aura pas de récit, effectivement. Ça ne rentre pas dans la grande histoire, ça peut échapper vite fait, quoi. Ouais, c'est si on n'a pas, nous, le travail de mémoire, si on peut dire, ouais. Ouais, à la fois, c'est pas dans les livres, et puis même quand c'est dans les livres, en fait, il y a des gens qui bossent sur l'histoire des luttes, mais c'est pas toujours accessible. Ouais, puis c'est souvent, en plus, quand même pas toujours l'information de l'intérieur, c'est aussi raconté. Là, c'est dit autrement, c'est dit avec des images. Alors voilà, les gens avaient des formes différentes, mais je trouve cette passation, qui était une des idées comme ça, qui circulait à travers les premiers jours, ça donnait une certaine force. Pour être honnête, des fois, ça donnait un peu un truc. On se disait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a raté pour pas être pareil? Mais c'est bien, ça aiguillonne aussi à refaire autre chose une fois qu'on s'est dit ça. Et donc ça, ouais, c'était plutôt les 4 premiers jours, sachant qu'il y avait tout le temps, en même temps, des chantiers ailleurs sur la ZAD, enfin, quand même une forme d'invitation à circuler, à aller aux fosses noires. Il y a plein de gens qui sont allés récolter le houblon, il y avait plein de patates du côté de Bellevue qu'il fallait glaner. Ouais, c'était pas fermé, c'était pas figé dans cette semaine intergalactique, c'était ouvert sur... C'était ouvert, en tout cas, sur les lieux de la ZAD qui sont toujours debout. Il y a toujours des, enfin voilà, sur ce qui existe encore. Mais là-dessus, c'était assez ouvert. Il y avait d'autres rencontres en même temps à Bellevue qui m'ont eu l'air plus ancrées dans le pays nantais, dans un partage. Mais les gens circulaient entre les deux, quoi. Nous, on est allés faire un tour là-bas. On voyait des gens venir. Ça faisait aussi des rencontres. Donc, il y avait quelque chose d'assez ouvert dans ce sens-là, de revenir sur une ZAD où on peut circuler, où on peut aller d'un truc à un autre. Où il n'y a pas des grenades partout. Enfin, c'est vrai que quand même, il y avait quelque chose comme ça, ensoleillé, festif, tranquille. Ça faisait du bien aussi. Il y a eu beaucoup de monde, du coup. Ça... Alors, il y a eu, des quantités différentes de gens. Donc là, ce que je te parlais, c'est les premiers jours. Mais en fait, entre ça et l'Assemblée des territoires en lutte, c'était un peu pareil, je dirais, de l'ordre de la centaine. Hein. Je ne jauge pas bien, ça se trouve c'est 150, ça se trouve c'est 80, mais de cet ordre-là. Et puis on sentait qu'au fur et à mesure de la semaine, il y a les gens qui arrivaient à se libérer pour le week-end et tout, qui arrivaient plus nombreux. Après, il y avait les soirées communes avec les deux rencontres, il y avait plus de monde le soir. Le soir de la fête de l'inauguration de l'ambassade, parce que donc on l'a inauguré en dansant dedans assez fort et tout, là on a vraiment vu arriver encore plus de monde. Là, il y avait clairement plusieurs centaines de personnes qui venaient juste pour ce soir-là. Donc ça faisait quand même une grosse énergie à ce moment-là qui arrivait, ouais. Il y avait, je crois que ce qui est peut-être important à dire aussi, parce que c'est pas toujours, c'est qu'il y a des gens, parmi les gens qui venaient présenter leur lutte, discuter de différentes questions, il y avait les collectifs de solidarité avec les migrants, avec les exilés, et des exilés eux-mêmes, qui sont de venus, Nantes, mais pas que de Nantes, si je dis pas de bêtises, de Caen aussi, et si je me trompe sur la ville, il faudra me pardonner. Mais ouais, de deux villes, et qui sont venus présenter à la fois leur lutte, les défis qu'ils avaient rencontrés, échanger là-dessus, échanger avec les gens qui étaient là. Et je trouve que ça a fait une vraie différence. Pour moi, c'était chouette. Des fois, c'est des milieux qui sont quand même très blancs. Et des fois, c'est chouette qu'il y ait aussi d'autres gens présents. Enfin, moi, ça me permet de reconnaître une certaine diversité qui me touche dans ces cas-là. Et puis... De toute façon, ça change le débat, hein, parce qu'on n'arrive pas du tout avec les mêmes bagages dans ces cas-là. Et d'ailleurs, c'est un des trucs dont ils ont parlé à ce moment-là. Voilà, qu'est-ce que c'est que le collectif en solidarité ? Il arrive avec sa culture politique, qui est souvent un peu en bas à gauche, qui est souvent anti-autoritaire et tout. Et puis quand on compose ensemble et qu'on se dit on va composer d'égal à égal avec les exilés, il n'y a aucune raison pour que les exilés ils soient tous de cette culture politique. Ils viennent avec leur vécu, leur truc et tout. Et du coup, ça suscite aussi... C'est bien aussi les dialogues avec les gens qui ont un autre chemin. Ouais. Hein. Ça oblige à recreuser à la base et tout. C'est très bien. Oui, sur la question des migrants, c'est vrai qu'on a, qu'on a encore plein de choses à apprendre parce que du coup, t'as aussi d'autres formes de... Toutes les migrations non plus ne sont pas les mêmes. On ne peut pas enfermer le migrant dans la case migrant. Ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Souvent, s'ils sont, enfin, il y a les propres raisons personnelles, puis aussi la personnalité, mais aussi le fait de toutes les raisons pour lesquelles il s'en va, qu'on ne peut pas toujours non plus comprendre, et c'est un autre milieu, pas que la question de la culture non plus. C'est intéressant de se poser les questions, puisque même nous, on devrait se les poser là, tous les jours, au quotidien, et heureusement qu'il y a l'ambassade pour ouvrir ces espaces, parce qu'on n'a souvent pas le temps non plus de se poser les questions, nous, de poser les choses à plat, comme tout plein de questions qu'on ne résout pas vraiment facilement. C'était souvent quelque chose comme ça cette semaine, hein. Le temps de se poser des questions aussi qui peuvent nous tarauder au quotidien. Mais voilà, là, on est assis tous ensemble, on est un paquet de gens et on se les pose vraiment, ça fait avancer dans la tête. Et ça change peut-être les pratiques après, les gens avec qui on fait des liens, ce qu'on réinvestit. Et après, ce dont je parlais pas, là, c'est les 3 derniers jours étaient plus spécifiquement, peut-être 2 jours et demi, sur l'Assemblée des territoires en lutte, étaient... plus donc vraiment une rencontre entre des territoires qui luttent aujourd'hui et qui étaient là, donc des gens du Notav qui venaient d'Italie, des gens du Pays Basque, d'Ereka Lehor, qui font partie des gens qui sont vraiment au départ de la construction de l'ambassade, qui sont vraiment beaucoup investis, mais aussi des gens de Christiania au Danemark, du Wendland en Allemagne, donc sur des luttes beaucoup plus anciennes qui sont peut-être plus normalisées depuis et qui venaient aussi parler de ce processus de normalisation. Comment ça a été pour eux, qu'est-ce que ça a voulu dire, quelles conséquences. Donc ça, c'était intéressant, évidemment, à Notre-Dame-des-Landes, là, aujourd'hui, sur des processus de légalisation, de quelle manière ça va vouloir dire que les luttes se font écraser. On voit que c'est déjà pas pareil, la ZAD, aujourd'hui, et ça fait mal aussi, des fois. Donc, toutes ces questions sont ressorties. J'oubliais, il y a les gens de Dijon, des Lentillères aussi, qui étaient là. Et donc, toutes ces personnes qui représentaient différents projets étaient là pour partager sur des thématiques différentes, successivement. Ça avait aussi pas mal de force en termes d'international, quoi. Ça apportait des gens qui venaient d'ailleurs, parce que c'est vrai que les gens qui viennent pour la semaine, ils viennent pas forcément spontanément du Danemark, quoi. Ça vient pas forcément de si loin, là, comme ça, tout de suite. Mais le fait d'avoir organisé ces rencontres, tout de suite, ça apportait une dimension. On pouvait parler avec des gens qui venaient de plus loin, d'ailleurs, qui parlaient dans leur langue, donc ça veut dire une organisation pour traduire, où on sent que, ouais, y a quand même toujours de la force, de l'ambition, et moyen de faire des choses hyper impressionnante, de mettre en place un système de traduction autogéré pendant une semaine. Avec, c'est un gros boulot. Ouais. Ouais, avec en permanence de la traduction depuis les langues qui sont parlées, donc qui peuvent être l'italien, qui peuvent être le basque, bon, c'est pas non plus tous les jours qu'on est traducteur de basque, et qui sont en permanence... Ah non, lui, il parlait anglais. Ça, ce que j'allais me dire. Bon, c'est quand même balèze de trouver des traducteurs du danois en français. Ça aurait un peu été l'angoisse, je crois. Non, et en permanence aussi vers le français, vers l'anglais et vers l'espagnol, pour que les gens aussi puissent écouter. Il y a un vrai échange, évidemment, bien sûr. En permanence, des radios et tout. Et ça, je crois, ça témoigne aussi d'une attention aux choses et d'une capacité à mettre en œuvre. Oui, du respect de chacun des différences. Oui, les choses tournent quand même. Oui, mais ils avaient déjà organisé le forum des projets inutiles. Ils ont déjà l'expérience, effectivement, d'avoir des rencontres. Mais là, ce qui était bien, c'est qu'il y avait peut-être justement un côté peut-être intimiste, le fait de pouvoir se rencontrer une semaine et aussi avec l'idée que c'était vraiment comme une sorte d'atelier de discussion, de travail, plutôt que des rencontres gigantesques comme... c'était pas un forum non plus où il n'y avait pas non plus des milliers de personnes. Peut-être qu'ils n'auraient pas été capables de mobiliser ces milliers de personnes dans ce cadre-là, mais je ne crois pas que c'était la volonté non plus justement de faire transiter des milliers de personnes, mais plutôt des gens assis qui prennent le temps justement de discuter, qui prennent le temps d'échanger véritablement. Parce que je pense que c'est souvent ça, le temps qui nous manque. Si on est des milliers, et en 3 jours, avec plein de discussions en même temps, tu passes d'une table à une autre, et là, tu n'as pas le temps. Et je pense que c'est important qu'il y ait ces petits moments où tu reviens à quelque chose de très simple, en fait, mais t'asseoir et discuter tout simplement pour le plaisir de partager. Ouais, là, c'était encore possible de parler aux gens à table, d'apprendre à se connaître, au fur et à mesure de parler de plus en plus de monde, puis les gens qu'on entend dans les discussions, de rebondir avec eux, il y avait cette échelle-là. Puis des moments où, je sais pas, par exemple le lendemain d'une fête, le matin, des fois, il n'y a pas grand monde dans le chapiteau, c'est possible d'avoir des conversations tout à coup en plus petit groupe, où on est, je sais pas, 20 autour, et c'est important aussi. Et puis avec des gens qui viennent vraiment avec leur expérience de chaque projet. Et justement, on va, en parlant des expériences de chaque projet, on va faire une petite pause musicale, mais après, on voudrait vous lire l'appel d'une campagne contre le nouvel aéroport de la ville de Mexico, justement, donc, dont on parlait, avec justement, comme le disait le copain, il y a une sorte de dernière ligne droite pour eux, et c'est important d'être avec eux, de les soutenir. Et donc, on fait une petite pause musicale, et on vous lira ensuite le texte, et on vous invitera à vous mobiliser. Merci. Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Encore un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. Ne manque plus de rien, on veut avoir cette vie où l'on mange à sa. FPP 106.3, la jungle des luttes. Et donc, bah, voilà, des luttes ici, là-bas et là-bas à Tenco. Le mieux, c'est de prendre leurs mots pour vous parler, vous sensibiliser sur cette lutte qui donc, fait écho avec la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, c'est campagne contre le nouvel aéroport de la ville de Mexico. Je préfère le lac. Donc, aux organisations solidaires du monde entier. Salutations depuis le Mexique. Nous sommes des paysans du centre du Mexique, descendants des peuples nahuas qui ont peuplé les rives du lac de Texcoco il y a de cela des milliers d'années. En 2001, on a cherché à nous déposséder des terres qui assurent la subsistance de nos familles, et cela pour construire un nouvel aéroport international dont les seuls bénéficiaires sont les puissances économiques de ce pays. À la suite d'une lutte constante et sans répit, nos villages ont réussi à faire tomber le décret d'expropriation des terres en 2002, léguant au mouvement social mexicain une victoire indiscutable contre ce projet néolibéral promu par le gouvernement mexicain. Je tourne la page. Cette victoire paysanne a réussi à ternir l'orgueil et la superbe du gouverneur de l'époque, aujourd'hui président de la République mexicaine, Enrique Peña Nieto. Mais celui-ci imposa sa vengeance à feu et à sang en attaquant nos communautés les 3 et 4 mai 2006 au travers d'une des plus brutales opérations policières de l'histoire contemporaine du Mexique. L'onde de choc de la répression provoqua 2 morts, des dizaines de blessés et d'incarcérés, 27 plaintes pour torture sexuelle et des condamnations contre les défenseurs de la terre à des peines allant jusqu'à plus de 100 ans de prison. Le mouvement social a réussi depuis à obtenir la libération des prisonniers, mais il reste encore à obtenir justice pour les femmes qui ont été abusées sexuellement, ainsi que pour les familles endeuillées des compañeros assassinés. En 2014, Enrique Peña Nieto, cette fois en tant que président, réactivait le projet du nouvel aéroport international de la ville de Mexico. Cette décision signifiait une déclaration de guerre contre les villages résistants depuis maintenant 17 ans au harcèlement et à la violence déployés par les puissants politiciens et chefs d'entreprise qui voient dans l'aéroport une opportunité à même d'augmenter leur fortune personnelle, déjà bien obscène, en réduisant à la misère les secteurs les plus vulnérables du pays. La décision d'annuler ou de conclure le chantier est aujourd'hui dans les mains du gouvernement mexicain à peine élu, dirigé par André Manuel López Obrador, qui a récemment proposé de mener à bien un processus de consultation afin de déterminer la viabilité du projet. Le Mexique vient à peine de vivre une des élections les plus concourues de son histoire, qui a donné lieu à une manifestation généralisée de rejet contre ceux qui ont soumis le pays jusqu'à présent, les mêmes qui, jusqu'à aujourd'hui, ont été les principaux bénéficiaires du projet d'aéroport. Maintenir la construction de l'aéroport sur l'ancien lac de Texcoco signifierait tourner le dos aux pauvres et continuer à permettre que s'imposent les intérêts d'une poignée de riches face aux nécessités urgentes du reste de la population. Un scénario qui nous éloignerait du changement tant désiré sur lequel ont déposé leurs espoirs plus de 30 millions de Mexicains. Le nouvel aéroport de la ville de Mexico signifierait pour les villages la disparition de leur culture, de leur espace naturel, la venue de catastrophes environnementales et l'impunité face aux crimes perpétrés par les détenteurs de l'argent contre les plus modestes de cette terre. Ce qui est menacé, c'est l'existence d'une culture millénaire dédiée à la culture des champs, car pour ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir dans ce pays, progrès veut dire voir les paysans se transformer en serveurs de restaurants ou en porteurs de bagages et voir les zones humides se transformer en complexes hôteliers. Les conséquences environnementales de la construction du nouvel aéroport peuvent être qualifiées de véritables écocides. À l'heure actuelle, ce sont plus de 45 collines qui ont été dévastées afin d'en extraire les roches qui servent à recouvrir le lac, collines où sont déversés les boues toxiques du chantier de construction. La qualité de l'air et de l'eau de toute la ville de Mexico est compromise. Le nouvel aéroport entraînera le déplacement de leur habitat naturel de reproduction de plus de 150 espèces d'oiseaux migrateurs, ainsi que l'augmentation du risque d'inondation du fait de la destruction du relief de la zone, entre autres conséquences environnementales. Il faut également prendre en compte, frères et sœurs du monde entier, que les investissements de ce méga-projet s'appuient en grande partie sur la participation du capital transnational qui met en œuvre des politiques mortifères sur toute la planète afin de satisfaire les appétits de la classe sociale qui nous opprime tous et toutes de manière similaire. Dans le projet de nouvel aéroport sont impliquées des entreprises qui sont accusées dans d'autres pays de faits de corruption et qui interviennent dans la construction de l'aéroport par le biais de mécanismes de fraude fiscale, par exemple au travers des bons écologiques. En même temps, ils encouragent un projet signifiant la disparition des villages de la vallée. Pour toutes ces raisons, nous lançons un appel à toutes les organisations sociales, environnementales, de droits humains, aux institutions éducatives et aux centres de réflexion, aux personnes qui défendent la nature, aux personnes qui résistent, aux mouvements étudiants, aux jeunes de la campagne et de la ville, aux travailleuses et travailleurs et à leurs organisations syndicales ou sociales, aux mouvements indigènes, à la communauté artistique, aux écrivains, aux académiciens, aux universitaires, aux paysans, aux peuples originaires du monde entier, à se joindre à la lutte des villages originaires et des habitants de la vallée de Mexico, afin que nous exigions l'annulation totale du projet du nouvel aéroport. Nous vous invitons à vous prononcer publiquement contre le nouvel aéroport à Texcoco, ainsi qu'à participer à la mobilisation du 25 octobre prochain ou à la répliquer dans vos lieux d'origine. Également à vous joindre activement à la diffusion de matériel contre ce projet d'aéroport, que ce soit au travers de brigades de diffusion, d'interventions dans les médias ou par l'utilisation des réseaux sociaux. Nous vous convoquons à envoyer des messages de soutien par le biais de hashtags avec comme phrase « face à l'aéroport de mort ». Face à l'aéroporto de muerte, yo prefiero el lago. Face à l'aéroport mortifère, je préfère le lac, les oiseaux, l'eau. Ne pas être inondé, je préfère les champs. Afin de construire une large campagne et même de donner la visibilité à notre cause. Vous pouvez indiquer votre lieu de vie, le nom de votre organisation et les raisons de s'opposer à cet aéroport. Et vous avez la possibilité donc d'envoyer ce matériel à un mail plataforma vs.nicm. Si vous voulez, peut-être c'est @gmail.com et donc c'est avant le 5 octobre prochain. Ça, c'est parce qu'ils voulaient récolter tout un tas de matériel avant, mais donc vous avez la possibilité encore de vous mobiliser quoi qu'il arrive. Et donc depuis cette première tranchée défensive face au saccage en cours, nous fraternisons avec toutes les luttes qui partagent nos principes de vie et d'autodétermination. Que vivent celles et ceux qui luttent contre la mort imposée par ce système rapace et que vivent les villages et les peuples qui tissent ces liens de tendre solidarité. Front des villages en défense de la terre, village uni contre le nouvel aéroport et l'aérotropolis. Mexique, septembre 2018. Donc vous pouvez éventuellement prendre d'autres informations sur le site du CSPCL, cspcl.ouvaton.org. Et on vous invite à donc justement regarder sur notre site les activités qui éventuellement seront proposées pour les soutenir. Vous pouvez en tous les cas trouver des informations pour se joindre à leur lutte et donc leur écrire. Et donc en regardant sur notre site du CSPCL, il y a moyen de se mettre en contact. Et je pense que c'est important puisque c'est, comme on le disait tout à l'heure, la dernière ligne droite et surtout des gens qui avaient été victorieux et qui ont, malgré la victoire, justement continué à lutter, à se solidariser avec toutes les autres luttes qui avaient lieu au Mexique ou ailleurs, justement, puisqu'on en parlait, puisqu'ils ont été capables aussi d'écouter la lutte de Notre-Dame-des-Landes et donc d'être très ouverts à la lutte en sachant que la solidarité, c'est l'un des moyens de résistance, c'est-à-dire qu'il faut s'organiser sur place, mais aussi avec la solidarité, prendre des forces, de l'énergie et aller plus en avant encore. Et donc, grâce à cette solidarité, ils ont eu en retour, vu que le projet s'était réactivé, de nouveau de la solidarité. Et entre-temps, les stratégies classiques des pouvoirs qui sont là pour tenter de diviser les gens sur place. Donc là, c'est une situation difficile pour les gens d'Atenco. Et je pense que c'est important de se mobiliser toujours et encore, même s'il y a peu d'espoir pour que l'aéroport ne se construise pas finalement, puisqu'il y a déjà un chantier qui est largement ouvert déjà, mais il y a encore des choses à défendre, justement, toujours et encore. Donc on les soutient et on fait une petite pause musicale et on voyagera encore à travers le monde. Governor, I am in my education. Must be African education. We want a revolution. Young people revolution. Intelligent revolution. Must be black people education. La jungle des luttes, 106.3 FPP, on continue, on a encore une petite demi-heure ensemble avant de se retrouver le mois prochain, donc on en profite, on parle de, bah, d'un projet assez original finalement, parce qu'il y a une volonté depuis longtemps de vouloir faire se rencontrer des peuples d'Afrique avec les peuples indigènes du Mexique. Il y a plusieurs fois eu l'idée, l'envie de pouvoir faire voyager des copains. Il y a souvent eu des problèmes de papier, de visa, c'est assez compliqué. Et puis là, du coup, vous, vous êtes une association qui avait essayé de prendre à bras le corps cette idée et donc de mener avec, enfin, tu vas sûrement mieux en parler, mais en tout cas, de mener ce projet à bien, puisque ça a déjà eu lieu, puisqu'il y a déjà des jeunes qui ont voyagé du Togo jusqu'au Chiapas. Donc, bah, merci d'être là pour en parler. et puis, du coup, on va pouvoir suivre ça de près. Et donc, raconte-nous un petit peu comment c'est arrivé, cette aventure de faire voyager des jeunes du Togo jusqu'au Chiapas. Oui, c'est ça. Nous, on est des gens, en fait, en France, plutôt à Paris, et puis au Togo. Et on se connaissait d'avant. Voilà, on est plusieurs, en fait, quasiment tous les gens qui sont à Paris en lien avec l'asso au Togo. On est d'anciens volontaires, on a connu les gens là-bas, on mène plein de projets ensemble, on trouve que ce qu'ils font est chouette. Et là-dessus est arrivée notre sensibilité à la lutte des apatistes, que ça nous inspire à quelques-uns d'entre nous, donc à deux personnes d'entre nous qui étions déjà en lien avec le Togo. Tout à coup, on s'est retrouvés au Mexique, à trouver que c'était une grande force dans notre vie de connaître les apatistes, etc. Et donc, on parle avec les copains, évidemment, de ce qui nous inspire. On a parlé aussi avec les copains du Togo, qui sont voilà, des copains aussi. Et puis, et de là est sorti ce projet. Enfin, c'est sorti d'une idée. La première chose qu'on s'est dit, c'est « Ah là là, c'est triste, ce serait vraiment impossible de faire partir des jeunes Togolais pour avoir ce genre d'expérience. Ah, c'est ballot, vraiment. C'est encore un truc, une inégalité et tout. » Bon, et puis là... Finalement, il y a un défi dit, bah, à relever. Ouais, voilà. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, bah si, voilà, si il faut ça. Et donc, on s'est mis dedans un peu bille en tête la première fois en se disant que c'était complètement dingue. Mais effectivement, c'est déjà arrivé une fois, ce qui prouve bien que c'est possible. Puisque c'était 2015-2016, la dernière fois qu'on a monté ça. Et donc, il y a quatre jeunes Togolais qui sont effectivement partis vers le Mexique. Alors, ça veut dire, enfin, c'est plein de trucs, hein. Ça veut dire qu'il faut organiser un cours d'espagnol au Togo, parce que de base, bah, voilà, comme tout le monde... Et c'est mieux de parler la langue quand même, ouais, et pour pouvoir échanger vraiment. Et que s'ils voulaient avoir des vraies rencontres, clairement, ouais. Ouais, il fallait qu'ils parlent la langue. Mais eux, ils étaient enthousiastes pour ça, hein. C'était même une motivation de plus de pouvoir apprendre la langue. Et puis, évidemment, la grosse barrière, comme on s'imagine, hein, c'est les visas et c'est l'argent. Donc ça c'est à chaque fois les deux angoisses, les accompagner auprès de l'ambassade, c'est l'ambassade du Mexique au Ghana, dans leur processus de visa pour que... Oui, parce qu'en plus au Togo, il n'y a même pas d'ambassade mexicaine. Alors au Togo, il n'y a pas d'ambassade mexicaine, donc à chaque fois, il faut aller au pays d'à côté. Et ce n'est pas genre ce qu'on s'imagine, le petit formulaire en ligne, tralalaïou, pas du tout. C'est-à-dire que de toute manière, là, par exemple, le projet présent, en ce moment, ils sont dans leur problème de visa, ils sont déjà allés une fois, ils se sont fait jeter, alors qu'on avait envoyé tous les documents à l'avance et tout, en leur disant, est-ce que ça va être bon, est-ce qu'on peut, c'est bon, ils vont voyager. Ils nous avaient dit, ouais, il faut qu'ils viennent. Rien du tout, ils ont voulu d'autres documents, donc ils les ont renvoyés chez eux. Et on va recommencer ce petit jeu-là plusieurs fois. Donc quand même, de base, c'est ça qui se... Et ça demande déjà de l'argent. C'est déjà oui, aller des dans voyages, le pays d'à côté, ouais. Pour payer une nuit à l'hôtel, etc. À chaque fois. Bon, moi, je trouve que c'est aussi des formes d'humiliation et de suspicion internationale qui se défendent pas, quoi. Mais du coup, on essaye d'être derrière eux à fond. On leur fait plein de papiers, qu'on a l'air super officiels, avec des gros tampons et tout. Bon, c'est nous, dans notre cuisine, le tampon, mais ça marche quand même. Donc ça, c'est vraiment un gros obstacle. Et ça, symboliquement, c'est hyper fort. On sent, indépendamment de leur rencontre avec les apatistes, qui, elle, est super forte aussi, le fait qu'ils soient sortis, qu'ils aient réussi à avoir un visa, ceux de la dernière fois, ça a un peu changé leur vie déjà en soi. C'est-à-dire de se dire, mais peut-être en fait, les choses sont possibles. Peut-être que tu peux revenir sur, du coup, qui sont partis pour qu'on imagine, enfin, qu'on sache à peu près qui sont ces personnes qui ont réussi à faire le voyage la première fois. Donc la première fois, on a 4 personnes qui sont parties, 3 garçons, une femme, donc elle s'appelle Sefako, et puis Sam, Albert et Podo. Ils étaient plutôt jeunes, hein. La dernière fois, on a eu plutôt des gens qui étaient un peu comme ça en fin d'études, genre de, je sais pas, 22, 25 ans. Donc il faut dire typiquement le profil qui a pas de visa d'habitude, hein. Personne jeune, sans emploi à long terme, sans famille sur place, un peu l'angoisse pour se présenter, mais motiver des gens hyper différents les uns des autres. Alors Sefako, son grand rêve à elle, c'était d'apprendre l'espagnol depuis hyper longtemps, puis elle n'avait pas pu parce que Togo, ça fait partie des trucs comme ça, c'est au programme, mais il n'y a pas de prof. Donc ça aide pas. Tu peux espérer sans jamais que ça arrive. Ouais, c'est ça, voilà. Et puis ouais, des profils différents. Albert, il a un côté bon élève, tu lui mets un truc sous le nez, ça y est, il saute dessus, il apprend des tonnes de trucs, il engrange tout. D'autres qui étaient plus en mode aventurier, et un Podo qui est parti plusieurs mois après les autres pour des raisons, ça peut-être faut le mentionner, ouais. Aussi, c'est que la première difficulté, moi je disais visa là, mais la première difficulté, c'est d'avoir des papiers officiels d'identité, un passeport. C'est-à-dire, pour lui par exemple, avoir un passeport, ça a été compliqué. On l'attendait. Les autres ont fini par dire non, mais tant pis, on lance le projet. Puis lui, il se décourageait un peu et finalement, il a pu les rejoindre. Mais il ouais, a ça, été quand même déjà... super courageux aussi de partir seul parce qu'il est resté seul après, du coup. C'est ça. Ça veut dire qu'il a fait super le trajet courageux. Tout seul. Ouais. Il les a rejoints. Enfin, c'est quand même, vous imaginez, des gens, ils n'ont pas le droit d'habitude de sortir de leur pays, quoi. Et là, ils arrivent, ils prennent l'avion, c'est la première fois, mais prendre l'avion, c'est un truc qu'ils citent comme nouvelle expérience de dingue, par exemple, pour eux. Donc c'est la première fois, ils changent de continent, ils ont une correspondance aérienne en Europe, donc déjà ils se retrouvent en Europe, c'est complètement dingue, même s'ils sortent pas de, même s'ils sortent pas de l'aéroport, je sais pas, tout le monde est blanc autour d'eux, enfin ils le disent en fait, c'est vraiment pas pareil. Et ensuite ils arrivent au Mexique, il faut parler une autre langue, et donc lui il arrive tout seul à Mexico, dans la grande ville gigantesque, et de là il doit rejoindre San Cristobal. Donc ça lui il le fait tout seul. Donc là, bah, il trouve ses potes. Là, le moment où il souffle, les potes lui montrent. Qui, eux, avaient déjà bien pris leurs aises, hein, ouais, finalement. Ça faisait déjà, ça faisait quoi, un mois et demi, deux mois qu'ils étaient là, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Et parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'ils ne sont pas juste partis pour un petit voyage de 3 semaines, comme on fait quand on voyage 3 semaines de congé. On va à l'étranger, on découvre un peu un pays, mais non, là, ils sont partis vraiment direct, trois mois. Ouais. Ça, c'était un peu... En fait, le billet d'avion est très, très cher. Hein. C'est le deuxième obstacle, c'est l'argent. Ouais, c'est quand même de l'ordre de 2 000 $, des fois 1 800. Mais... Donc ça, c'est un gros obstacle. Même pour nous, c'est toujours un peu une grosse partie du travail, c'est rassembler l'argent. Et ça nous motive quand même à leur proposer un truc. Voilà, s'ils veulent s'engager à partir pour plus longtemps. Qui vaut le coup, vraiment. Ouais. Ouais. On ne peut pas non plus complètement mettre l'équivalent de 2 000 $ pour juste 2 semaines. Et on pensait en fait qu'ils auraient des visas que pour 3 mois. C'est de là qu'est parti le projet initial de faire un voyage de 3 mois. En fait, une fois qu'ils leur donnent, ils leur donnent plus. Donc voilà, cette fois-ci, on verra un peu en accord avec eux. Franchement, les frais de vie sur place par rapport au billet d'avion, c'est rien. Donc s'ils disent qu'ils veulent rester 4 mois, c'est 4 mois. Ils peuvent se débrouiller. Ouais. Franchement, c'est nous qui les aidons aussi avec les frais de vie. Hein. Oui, oui, mais ils peuvent s'organiser par rapport à leur vie au Togo, puisque du coup, là, peut-être cette année, c'est peut-être, tu disais que c'était des jeunes, peut-être que là, dans ce nouveau projet, c'est pas des gens si jeunes, peut-être, pas forcément des étudiants. Ou... Alors, ouais, là, cette fois, on a deux diversités différentes qui se sont mises là. Déjà, c'est que cette fois, on a 3 femmes et 1 homme, et ça, on est hyper contents. La dernière fois, on a ramé pour avoir 1 femme parmi le groupe. Et c'est vraiment une grosse discussion qu'on a eue avec les copains avec qui on organise ça au Togo. Et on n'est pas tout à fait au même endroit sur la sensibilité là-dessus, quoi. On essayait de leur dire, bon, on identifie les freins pour les femmes, on essaye de faire quelque chose. Nous, on a entendu dire que c'était, par exemple, quand les cours d'espagnol, ils sont le soir, rentrer chez soi, c'est un peu dangereux pour les femmes. Alors, est-ce qu'on leur payerait le taxi moto ? Et je me souviens quand même d'un moment dans la discussion où ils nous ont répondu, non, le problème, c'est juste... Non, bah les filles, elles sont pas motivées, quoi. Hein, donc. Oui, donc en fait, c'est plutôt c'est un problème de mentalité où il faut travailler sur. Mais il y a quand même un moment où je me suis dit, oh merde, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas tout à fait. On n'est pas au même endroit, là. Dans le... Et donc, ça a été un gros boulot de se dire. Et ils ont été d'accord pour mettre dans toute la communication à chaque fois hyper fort, mais les femmes, on ne va pas vous discriminer. C'est clair, vous avez le droit de partir. On est même décidé à faire moitié-moitié. S'il n'y a pas de femmes, tant pis, on ne fera partir personne. Vraiment pour les convaincre que c'était possible, en fait, que vraiment elles allaient être capables, on n'allait pas leur préférer des hommes. Donc ça, c'est un truc dont on est super fiers. Un autre truc, c'est qu'il ouais, y a ouais, une différence d'âge, un éventail ouais. D'âge, une fourchette beaucoup plus large. La plus âgée, elle a 35 ans cette fois. Alors, mais elle n'a pas de famille au Togo, du coup, elle peut s'en aller librement. C'est ça, c'est qu'elle n'a pas encore... Non. C'est ça qui est souvent pas évident pour les filles aussi, hein, c'est que rapidement, il y en a plein qui ont des enfants et tout. Donc là, elle n'a pas d'enfants. Les deux filles, d'ailleurs, elles sont assez, je sais pas, je crois, 33 et demi, 35 ans, quelque chose de ce genre-là. Et les deux, elles n'ont pas d'enfants. Et donc, ça donne ouais, cette liberté. Après, Shanti, la troisième fille, elle est plus jeune. Ça. Alors, 23, 24. Plus attendu, quoi. Mais du coup, c'est des gens d'un même village ? Parce que du coup, on ne sait pas qui sont, comment, d'où ils arrivent, tous ces gens qui arrivent avec votre, par le biais de vos associations, quoi. Mais du coup... Et alors, l'asso, là-bas, elle est à Palimé. Palimé, pour le Togo, c'est quand même une ville. Hein. Il y a, je ne sais plus, de l'ordre de 30 000 habitants. Donc, on est au-delà du village. Après c'est pas un pays où il y a des grosses métropoles donc. Je sais pas, il y a deux goudrons qui se croisent, des routes goudronnées, il y en a deux dans la ville, mais quand même et puis sur place ils communiquent un peu, la première fois c'était que quelques affichages et puis à la radio locale que les jeunes écoutent à VGKFM, là-bas ils avaient payé un peu pour passer des annonces pour dire on va organiser ça. Là j'ai l'impression que la deuxième fois le bouche à oreille a joué aussi. C'est-à-dire quand même, les premiers, ils sont revenus, c'est une grosse expérience. Une des choses qu'on leur a demandé, c'est de la partager autour d'eux au retour, que ça ne reste pas un truc que pour eux. Et donc ça, je crois que ça a joué. Ouais, quand moi, je les ai rencontrés, puisqu'on a fait une émission, pour s'il y en a qui nous sont fidèles, vous vous rappelez peut-être qu'on avait passé les entretiens qu'on avait fait avec ces jeunes qui étaient là-bas au Mexique. Ils avaient été vachement frappés sur le fait de vivre ça et de devoir absolument le partager. C'est-à-dire que... On leur en avait parlé, mais je pense que d'eux-mêmes, c'était comme une sorte de besoin, tellement c'était un décalage avec ce qu'ils ont connu, et en même temps, la possibilité aussi, en même temps, de pouvoir prendre cette expérience comme quelque chose de réalisable chez toi, avec bah, tes codes, tes modes et ton décor, mais voilà, peut-être d'autres choses, mais une expérience à pouvoir mettre en valeur sur place, c'était fort pour eux. Oui, ça, je crois que ça les a vraiment touchés différemment avec leur sensibilité. Hein. Je pense qu'il y en a qui étaient arrivés plus avec une grosse curiosité, plus de l'extérieur, quoi, et d'autres qui étaient déjà politiquement quand même dans une réflexion sur ce que c'est que faire pour soi-même, s'organiser, attendre des choses du gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a un notamment, moi, ça m'a vachement touchée, ce qu'il a écrit au retour, au moment où on a fait une espèce de truc de débriefing pendant plusieurs jours là-bas pour leur donner l'occasion de revenir sur leurs souvenirs, réfléchir comment transmettre ce qu'ils avaient vécu. Et vraiment, ils nous ont dit des trucs. Bon, certaines sont drôles. Il y en a un qui nous a dit « Moi, je croyais vraiment que le peuple, il se faisait tricher qu'en Afrique. » Mais en fait, c'est pas vrai. C'est ailleurs dans le monde aussi. Du coup, on peut le partager tous ensemble. Il y en a un autre qui réfléchissait vraiment à l'autogestion, à effectivement en faire quelque chose dans sa vie. Bon, sauf que dans sa vie, ça se fait que collectivement, ces luttes comme ça. Et ça, à vrai dire, pour moi, par exemple, c'est une motivation qui m'a poussée à refaire ce projet. C'est de me dire, mais là, ils sont que quatre. Imaginons sur quatre, bah, déjà, s'il y en a deux qui ont l'énergie à donf d'organiser quelque chose, c'est déjà bien. Bon, deux, c'est pas beaucoup, quoi. Il va falloir leur donner des copains pour que ça avance un peu et que sur place aussi, ça essaime quelque chose. Bon, ça, c'est mes espoirs, hein. On va pas les forcer. Non, mais en même temps, c'est comme nous, quand on est allé au Chiapas, ça a tous changé quelque chose pour nous, pour toutes les personnes qui nous pouvons voyager plus facilement et un peu partout aussi. Mais du coup, cette destination du Chiapas, je pense qu'on est des milliers depuis tant d'années à avoir été là-bas avec cette volonté justement d'apprentissage, de quelque chose en se disant il y a forcément quelque chose à apprendre et à vivre et à pouvoir. Rebondir sur ça, sur cette expérience. Ouais, moi je trouve ça vachement important. Mais de fait, c'est pour ça aussi que je m'engage dans ce projet et que je trouve ça bien de les faire partir. À vrai dire, pas que pour eux, quoi. C'est pas un truc non plus. Les gentils petits Africains, ils auraient besoin d'apprendre. C'est pas ça l'histoire, en fait. C'est que moi aussi, je trouve que quand j'y vais, j'apprends beaucoup et du coup, j'ai envie qu'ils puissent, mais de la même manière. De partager, bien sûr. Mais comme on fait cette émission, avoir envie de partager, de faire partager, de donner à partager les luttes et les expériences. On fait une courte pause musicale et on revient sur comment peut-être aider justement pour qu'il y ait des projets qui se réalisent, parce qu'il y a besoin de soutien aussi quand même. Continue du Togo, Chiapas. Donc voilà, le projet de faire partir des personnes qui vivent au Togo, qui n'ont pas l'occasion de voyager, mais du coup là, l'opportunité de leur faire découvrir le Chiapas et puis le monde zapatiste, les peuples indigènes. Et donc justement, on est avec une copine qui fait partie de cette association qui met un peu en branle tout ce voyage et ce périple. Qui se prépare déjà longuement en avance, justement, on en parlait pour les visas, pour les papiers, pour l'apprentissage de la langue et la préparation aussi au voyage pour quel est le monde qu'ils vont rencontrer, justement, les expériences qu'ils vont avoir, ce qu'ils peuvent faire. Je crois qu'ils étaient allés justement à l'école de langue zapatiste. Ils avaient vécu dans des communautés, partagé le quotidien. Ils avaient fait des brigades d'observation. Donc voilà, ouais, il y a tout ça à préparer. Du coup, là, c'est un peu la même chose qui se propose pour ce nouveau groupe qui va voyager. Ouais, c'est un peu le même genre de programme, sachant que en fait, on leur laisse une liberté, donc c'est pas un programme qui compte tout leur séjour sur place. Nous, le point d'entrée qu'on leur donne parce qu'on le trouve chouette, parce que ça a été le nôtre, enfin, on le partage comme ça, c'est effectivement d'être brigade d'observation, donc observateur, on dit observateur des droits de l'homme, mais c'est-à-dire en fait d'accompagner des communautés indigènes en lutte avec le centre Freiba, le centre des droits de l'homme là-bas. Ça, nous, on trouve, c'est une chouette entrée à la fois pour rencontrer des gens, pour se mettre dans les événements, pour voir des communautés. Alors, bon, c'est pas forcément représentatif, toutes les communautés, mais ça fait un point comme ça d'accroche. Et puis, on leur conseille effectivement plusieurs écoles de langue. Alors, à l'arrivée, en général, avec Batsilkop, qui est une école un peu solidaire déjà avec les apatistes, hein, qui des fois a les mêmes gens que... à Oventic, donc ça, ça leur permet d'atterrir. Ça, en vrai, c'est aussi un vrai cours de langue. Hein. C'est aussi pour qu'ils aient le temps d'atterrir, de reprendre leurs esprits, de remettre leur langue dans le bon ordre. Mais en même temps, c'est déjà des contacts politiques. Et puis, ouais, cette histoire avec Freiba, l'école de langue d'Oventic, on se dit, ça suscite des rencontres. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Ouais. C'est ça. Ça fait déjà pas mal de trucs, donc ensuite ça leur donne du réseau. En plus, ils sont logés. Ils sont logés dans une maison un peu collective, quoi. C'est même ça, si qui est vraiment la maison des volontaires aussi, où il y a des gens bon, qui font différents trucs, hein, leur servicio civil, il y a des Mexicains qui font ça, mais qui sont quand même sur plein de projets. Donc une fois qu'on est là-dedans, franchement, on trouve chacun ce qu'on a envie de faire. Donc après, effectivement, ils feront pas forcément la même chose. Encore que je pense, enfin c'est quand même une situation, il faut s'imaginer, hein, donc ils sont là-bas, ils n'ont pas leurs potes qui reviennent de vacances pour leur montrer des photos du monde entier tout le temps. Donc les seuls qui connaissent qui font ça, c'est les quatre précédents. Donc moi j'imagine que ça construit toujours une espèce de mythologie, évidemment ils vont avoir envie de retourner au même lieu quoi. Mais en tout cas, ouais, non, on va pas les forcer, enfin comme on les force pas au retour à faire des trucs quoi. On considère qu'ils sont supposés avoir ouais, la même dignité que nous, la même liberté, y compris la liberté, des fois, de ne pas en faire grand-chose au retour. Bah, voilà, ce ballot, ça me rendrait plutôt triste, mais ils ont bien le droit. Donc voilà, ouais, on leur laisse un peu. Et donc, du coup, là, il y a trois femmes, un homme, et donc, du coup, ils vont se retrouver... eux, là, ils sont dans quelle situation? C'est des gens qui travaillent? C'est des gens qui ont... Alors, de toute manière, ce n'est pas des gens qui ont un super boulot salarié. Ça, je pense, globalement, la première fois, on avait eu ce cas. Hein, quelqu'un qui voulait partir et qui, en fait, avait quand même un boulot, il avait renoncé. Les gens, oui, ils veulent pas perdre leur boulot. Une fois que tu t'en vas, oui, c'est ouais. Ça, tu vas pas. Il y a quand même un chômage de malade au Togo. Enfin, des fois, d'ici, on s'imagine que la misère de l'Afrique, c'est autre chose. Moi, ce qui m'a frappé en habitant là-bas, c'est que, globalement, c'est le marasme économique, le gouvernement qu'on n'a rien à foutre et le chômage, quoi. Le chômage comme énorme plaie. Alors, évidemment, c'est pas exotique, hein, ça nous rappelle des trucs d'ici. Mais ça leur fait très peur, et à juste titre, c'est vraiment pas évident de trouver un boulot correct là-bas. Mais parce qu'on donc, en est où sur la situation là-bas, concrètement, au Togo Concrètement, on fait semblant que c'est une république démocratique depuis longtemps. Ça l'est pas depuis longtemps. Donc l'indépendance, c'est 60. En 63, Sylvanus Olympio, qui a été élu, il a été assassiné par Yademagna Singbé, qui est resté au pouvoir ensuite pendant un paquet de décennies. Maintenant, c'est son fils. Voilà, le père est mort, c'est le fils. Fait semblant qu'il y a des élections, sont évidemment truquées. Eux, ça les décourage beaucoup parce que, évidemment, ce qu'ils jouent, en fait, tant que la France soutiendra Nyasimbe, bah, il restera au pouvoir. Donc, ils en ont rien à fiche de leur peuple. C'est-à-dire, nous, on se plaint des fois. Ici, ça dysfonctionne, mais là-bas, ça dysfonctionne puissance 1000. Ils en ont vraiment rien à faire de leur peuple, mais rien. Même pas se dire on ferait des routes correctes. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour être élus. Ce qui les intéresse, c'est de rester au pouvoir. De garder, et en termes d'éducation, il y a quand même accès à l'éducation. Parce que du coup, les jeunes que moi j'avais rencontrés, ils avaient fait des études. Du coup, il y a quand même un système d'éducation qui tient à peu près la route. Il y a un système d'éducation qui est supposé être obligatoire. Ils ont signé les conventions avec l'UNICEF et tout. C'est comme ça qu'ils récupèrent les subventions. Sauf que c'est obligatoire et payant. Et ça, c'est quand même hyper concept. Ça, c'est... Voilà. Donc il y a pas mal d'enfants quand même qui font une année d'école, une année hors de l'école parce que les parents ne peuvent pas payer l'écolage. L'écolage, c'est comme ça qu'on appelle les frais qu'il faut payer chaque automne. C'est un peu dehors dedans, donc des fois on se retrouve avec des gens déjà au collège, il peut y avoir des gens qui ont 13 ans dans la classe puis d'autres qui ont 20 ans parce qu'ils n'ont pas fait toutes les années, ils ont eu du mal à revenir. Il y a quand même un peu cette situation-là. C'est un enseignement qui connaît beaucoup d'échecs, pour plein de raisons. C'est un enseignement entièrement en français depuis le départ, alors que c'est des gens qui ne sont pas francophones, et si leur famille n'est pas spécialement intellectuelle, je ne sais pas quoi, ils n'ont vraiment parlé aucun mot de français à la maison avant de se retrouver comme ça, dans cet enseignement où on ne leur parle pas leur langue. Ils sont entre, je sais pas, 60, 120 par classe, selon les écoles plus ou moins favorisées. Enfin, y a plein de choses qui font que ce n'est pas non plus foufou, qu'il y en a plein, il y a énormément d'échecs, il y en a plein qui ne vont pas au bout. Effectivement, ceux qui sont partis la dernière fois, ils avaient fait des études. Et là, cette année, du coup, c'est aussi des gens qui ont fait des études. Oui, pour être capable de toute façon d'apprendre une autre langue, arriver ça, adulte et tout ça, faut quand même avoir déjà eu l'expérience de l'apprentissage. De façon générale, apprendre, d'être capable de te lancer dans un monde inconnu, si tu ne sais pas lire, c'est compliqué. Alors en fait, quand même, la plupart des gens savent lire. Hein. Ouais, non, c'est ça, même non, mais je veux dire, si tu ne maîtrises pas, je veux dire, maîtriser la lecture, je veux dire, lecture en langue étrangère, si du coup, il faut avoir déjà... En fait, il y a plusieurs choses. Il y a un truc qui est plutôt une ligne de fracture entre les copains là-bas et nous ici. C'est qu'eux, ils ont décidé quand même d'ouvrir le projet qu'à des gens qui avaient au moins le bac. En se disant, on veut ça, c'est une assurance de, ils savent des trucs dans la vie. Et c'est un truc avec lequel, par exemple, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des gens qui, par d'autres expériences, ont appris ça. Et voilà, si un jour on fait un troisième, ce sera un axe. Caractéristique pour cette année. On a une grande bataille sur les femmes. Peut-être qu'on aura une grande bataille là-dessus. Cela dit, c'est vrai que même si on l'ouvrait à d'autres, quand même, il faut suivre le cours d'espagnol intensif. Alors là, maintenant, c'est cool parce qu'on a ceux qui sont partis avant qui peuvent faire le début du cours d'espagnol. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas obligés de le faire qu'en français. Parce que la première fois, on n'avait personne pour enseigner l'espagnol. Ouais. Donc là, celle qu'on a envoyée, c'était une volontaire de France qui allait là-bas faire un cours intensif de 4 mois. Donc elle était francophone. Donc le cours d'espagnol était en français. Déjà, ça bloque, quoi. Là, maintenant, avec ceux qui sont partis, qui reviennent, on a une autre possibilité. Ça permet peut-être de faire de l'ouverture aussi sociale et tout. Mais ouais, globalement, c'est quand même des gens qu'on... pas forcément fait des grosses études, hein. Ça peut être une formation de 2 ans, mais qu'on fait des études. Et du coup, si vous êtes volontaire, vous, pour aider ce voyage à se faire, et donc à ces femmes et ce copain à voyager jusqu'au Chiapas, vous pouvez vous adresser, je vais te laisser donner peut-être des indications si vous voulez vous rapprocher de cette association, voir un peu ce qui se fait, comment vous pouvez aider. Ouais, si vous avez envie de filer un coup de main et que vous voulez nous parler, vous pouvez écrire, vous tomberez sur moi si vous écrivez à elise@asso-lire.org. Donc asso comme une association, lire comme le verbe lire. elise@asso-lire.org. Sinon, si direct vous avez envie de nous donner de l'argent, parce qu'en vrai, on est en grosse galère d'argent, mais on va y arriver, mais voilà, si vous avez envie. Sur Hello Asso, donc Hello Asso, qui est une plateforme pour donner. Vous trouverez, si vous tapez Projet Togo Mexique, vous allez nous trouver. Et ouais, c'est vrai, si vous voulez nous donner de l'argent quand même, ça nous aiderait vachement. Mais voilà, si parce vous que pouvez, vous avez en vrai, déjà, on va y arriver aussi. Vous arrivez des fois à organiser des rôtisseries, des repas à la nouvelle rôtisserie ou des choses comme ça, non pour, ouais, voilà, donc ça. Du coup, ça se démène dans tous les sens pour que ce voyage ait lieu. Mais il va avoir lieu. Hein. Au pire, on endettera l'assaut et puis on passera un an de plus à rembourser. Mais... Bon, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve le mois prochain, donc le troisième lundi à partir de 19h. Donc, vous pouvez nous réécouter si vous le voulez jeudi, quatrième jeudi, donc pas cette semaine, mais en 8, comme on dit. Vous pourrez nous réécouter donc, à partir de 8h du matin. Et vous pouvez nous rencontrer, le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, 1er, 3e, 5e mercredi du mois, à partir de 20h30, 33 rue des Vignoles, au métro Avron, dans le 20e, à Paris. Et donc, on a un site cspcl.ouvaton.org, vous pouvez avoir des informations. Et notamment sur Atenco, on ne lâche pas, on essaie d'être solidaire jusqu'au bout. Il y aura peut-être des petites activités aux alentours du 25. Donc, manifestez votre solidarité comme vous le pouvez. Cherchez sur Atenco aussi. Moi, je préfère le lac. Et merci à vous. FPP 106.3, la jungle des luttes. À bientôt. Merci pour la technique, Émile.